Bonsoir et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Célébration ce samedi de la journée mondiale de lutte contre la corruption. L'organisation de lutte contre la corruption, ORICOM, demande au gouvernement burundais et d'autres acteurs politiques de procéder à l'élaboration d'un plan de développement. Les lauréats de la 11e promotion du programme d'études supérieures spécialisées DSS en droits de l'homme et la résolution pacifique des conflits à la chaire UNESCO interpellent le gouvernement burundais et les organisations tant nationales qu'international de s'investir pour vulgariser le contenu de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ils l'ont dit au terme d'une conférence débat que cette promotion a organisée ce samedi à la veille de la célébration du 69e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le représentant du gouvernement au dialogue inter-burundais à Arusha a mis en garde les participants qui ont émis certains souhaits que la mise en place d'un gouvernement autre que celui issu des élections de 2015 et la restructuration des corps de défense et de sécurité. Terence Nairaja précise que le projet de révision de la Constitution doit continuer. Les Tutsis résidents à l'ancien site des déplacés de Butezi et dans la province de Ruigi mènent une bonne cohabitation avec les Hutus de la localité. Jean-Claude Chimirimana nous précisera les témoignages de ces populations dans ce journal mis en onde par Jean de Dienda Isenga et présenté par Alain Désiré Boukéenez. Vous n'avez pas Isenga Nilo? Vous ratez l'essentiel. Nous débutons ce journal par la page Bonne gouvernance. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, ORICOM, appelle la population et le gouvernement burundais à s'engager dans la lutte contre la corruption. Dans un communiqué sorti ce vendredi, l'ORICOM déplore que le Burundi connaît une impasse économique. Gabriel Lufiri, président de l'ORICOM, invite le gouvernement et d'autres acteurs politiques de procéder à l'élaboration du plan de développement. L'ORICOM a sorti ce communiqué à la veille de la Journée mondiale des Nations Unies contre la corruption célébrée ce samedi. Eli Nibel Nibigira. Dans un communiqué sorti ce vendredi 8 décembre 2017, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques appelle les Burundais à s'engager dans la lutte contre la corruption. Le même communiqué demande au gouvernement burundais de concrétiser les objectifs de développement durable. Dans son même communiqué, l'ORICOM invite la population à consolider la paix et la sécurité afin d'arriver au développement durable. Gabriel Lufiri, président de l'ORICOM, via son communiqué, interpelle les Burundais à être conscients que la corruption est un fléau qui détruit leur famille. Cette organisation évoque la gravité des conséquences qui s'abattent sur la population d'un pays corrompu. Il cite, entre autres, la dévaluation de la monnaie, le manque de devises, le chômage et bien d'autres. L'ORICOM déplore qu'à part la corruption, le Burundi connaît des désaccords politiques internes. Il regrette également que le prix Ernest Manirumba, qui était décerné le 9 décembre chaque année, n'est plus décerné suite à la crise politique qu'a connue le Burundi. Par conséquent, écrit l'ORICOM, des investisseurs étrangers ont plié leurs bagages. Ils dénoncent l'augmentation intempestive des impôts et taxes sur une population déjà pauvre. Gabriel Lufiri, président de l'ORICOM, demande au gouvernement de lutter contre l'égoïsme et renoncer à la corruption pour prendre le chemin du développement. Ce communiqué a été rendu public à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption. Eline Nibel Nibigira, à la page des droits de l'homme, le lauréat de la 11e promotion du programme d'études supérieures spécialisées DSS en droits de l'homme et la résolution pacifique des conflits à la chaire UNESCO interpelle le gouvernement burundais et les organisations tant nationales qu'internationales de s'investir pour vulgariser le contenu de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le responsable de cette promotion estime que tout citoyen devrait être sensibilisé sur les valeurs de l'égalité, la justice et la dignité humaine pour promouvoir une société paisible. François Naugwamiye l'a dit au terme d'une conférence débat que la 11e promotion a organisée ce samedi à la veille de la célébration du 69e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est vraiment un moment important de réfléchir sur l'état de lieu des droits de l'homme non seulement ici chez nous, mais aussi dans la région des Grands Lacs. Après analyse, nous avons constaté que le pas à faire est encore grand, parce que jusqu'à maintenant, il y a très peu de la population qui connaissent encore ce qui est écrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors l'ignorance de ces droits, c'est vraiment un échec, je dirais, pour toute la nation, parce que si les gens ne savent pas quels sont leurs droits, vous comprenez que c'est très facile d'empiéter sur les droits des autres. Raison pour laquelle aujourd'hui, il y a des violations des droits de l'homme, je dirais d'une manière flagrante. Mais si jamais les gens savaient réellement leurs droits, ce serait très facile de protéger et de promouvoir l'égalité, la justice et la dignité humaine. Est-ce qu'il y a lieu de corriger ces lacunes pour que tout un chacun puisse connaître ses droits et les réclamer si l'occasion se présente? Ça demande le concours de tout un chacun. Il faut qu'il y ait la mobilisation, la formation et la sensibilisation des droits contenant dans la Déclaration des droits de l'homme. Vraiment, c'est un document fondateur. C'est un document qui contient des valeurs pour prévenir justement la violation flagrante des droits de l'homme. C'est la raison pour laquelle j'interpelle tout un chacun, notamment les journalistes, les leaders religieux, les hommes politiques, les sociétés civiles et tout consort, justement à œuvrer pour la promotion effective des droits de l'homme. François Naogwamiye au micro de Joseph Sabiabandi. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Sur la page politique de ce journal, le représentant du gouvernement au dialogue inter-burundais à Arusha a mis en garde les participants qui ont émis certains souhaits, comme la mise en place d'un gouvernement autre que celui issu des élections de 2015 et la restructuration des corps de défense et de sécurité. Ces derniers ont le projet de parachever le putsch manqué de 2015, explique Terence Nahiraj. Lever les mandats sur les responsables de quelques médias, pas nommés, qui sont recherchés par des citoyens, qui sont parmi les 34 putschistes. Et de toutes les façons aussi, hein, il y a quand même d'autres points parmi les 33 à rejeter. C'était 30, 5 ajoutés, 3 rejetés, 2 de divergence. C'est ce que nous voyons au niveau du gouvernement. Je peux même citer nécessité d'engager des réformes législatives, réglementaires et institutionnelles relative à la gestion des élections dans le but de garantir des élections libres, justes, transparentes et crédibles. Cela signifie qu'il faut changer tout et le gouvernement émettre les lois, c'est-à-dire qu'il faudra un gouvernement de transition et après alors préparer les élections. C'est toujours la concrétisation du putsch du 13 mai 2015. Il y a d'autres éléments importants, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, dans le document que le groupe qui s'est révolté a produit, qui sont terribles, qui montre réellement que l'objectif est d'enlever les institutions actuelles qui ont été tenues. Brièvement, je vous fais un exemple. Quand vous demandez de supprimer la CVR, quand vous demandez un gouvernement de transition, hein, quand vous demandez la réforme de l'armée et de la police, à quoi veut-il aboutir? Et puis, suspendre la CVR, vous imaginez? Et quant à la révision de la Constitution de la République du Burundi, Terence Nahiraja dit que ce projet doit continuer sans aucune entrave. Même s'il n'y a pas eu d'accord à l'issue des pourparlers qui viennent de se dérouler à Arusha, l'organisation PARSEM salue les protagonistes au conflit burundais qui ont pu s'asseoir ensemble. Le président de la PARSEM apprécie qu'il y a eu des discussions qui ont permis de voir les points de convergence et ceux de divergence. Faustin Dikumana indique que cela a permis de mettre les choses au clair. Même s'il n'y a pas eu d'accord à l'issue de cette session, quand même, cette session a marqué une étape décisive dans la résolution de la crise burundaise, parce que c'est l'une des sessions où quand même les participants ont discuté en profondeur à travers les groupes constitués, à donner leur contribution, à transmettre leurs idées à la facilitation. Il y a eu même échange de documents pour que chaque groupe puisse travailler sur le document élaboré par l'autre groupe. En tout cas, il y a eu vraiment une discussion en profondeur de la question. Et les audiences accordées par la facilitation aussi ont permis d'éclairer certaines choses. Et quand même, la facilitation a pu dégager des points qui pourront faire objet de consensus et les points qui font encore objet de divergence. Et parmi ces points, points de consensus, il y a notamment la reconnaissance de l'exemple de la crise, les paroles de la crise sur l'économie, et l'engagement au respect de l'accord d'Arusha, la constitution, élection transparente, une CENI indépendante, le respect de l'équilibre ethnique au sein des forces de l'ordre, comme le dit l'accord d'Arusha, il y a l'environnement sûr de retour des réfugiés, l'amélioration des relations et avec les partenaires techniques et financiers du Burundi, et tout en signalant justement que les divergences restent, notamment la discussion sur la constitution, aussi un environnement favorable de l'espace politique pour les partis politiques et les libertés publiques, les libertés d'opinion, la liberté d'expression politique. Mais on dit que comme le processus peut continuer, c'est que ces questions qui font objet de divergences pourront être vidées dans les sessions prochaines. Faustin Ndikumana, président de la PARSEM, vous nous excuserez de la qualité sonore de cet élément. Isanganiro. À la page sécurité, l'insécurité quelquefois observée dans certains endroits de la capitale Bujumbura est due aux grenades lancées par des gens qui ne se réjouissent pas de la paix qui règne dans la capitale. Ce sont les propos du maire de la ville de Bujumbura. C'était lors d'une réunion de sécurité avec le comité mixte de sécurité ce vendredi. Freddy Mbonima ajoute que tous les ménages doivent avoir au moins 2 tubes d'éclairage auprès de leur portail pour renforcer la sécurité. Et dans la suite de ce journal, rendons-nous à Ruyigi. Les Tutsis résidents à l'ancien site des déplacés de Butezi dans la province de Ruyigi témoignent la bonne cohabitation entre eux et les Hutus de cette localité, même pendant les périodes de conflits politiques. L'administrateur de cette commune confirme cette bonne cohabitation et précise qu'il n'y a pas eu même de conflit foncier entre déplacés et résidents dans cette commune. Jean-Claude Chimiliman. Omer Niongabo, nous l'avons rencontré à son domicile à la colline Kirasira, à l'ancien site des déplacés en face des bâtiments qui abritent les bureaux de la commune Butezi dans la province Ruyigi. Il témoigne la bonne cohabitation entre les Batutsi installés à cet endroit comme déplacés de guerre en 1993 et les Bahutu résidant dans les parages. Nous cohabitons bien. Les jeunes affiliés à différents partis politiques cohabitent bien eux aussi. Il n'y a pas d'agression. Si quelqu'un a un problème, nul ne peut ne pas intervenir pour des raisons ethniques. Même pendant la période des conflits politiques qui ont semé la panique à plus d'un, ceux qui se sont exilés sont des deux ethnies. Les Bahutus sont partis et les Batutsis eux aussi sont partis. Vraiment, il n'y a aucun signe de mauvaise cohabitation jusqu'à présent. Pascal Dodeye, un Mouhutu résident à la colline Ngongwe, lui aussi dit qu'il y a bonne cohabitation entre les Bahutu et les Batutsi. Depuis la fin de la guerre, la sécurité s'est bien installée. Jusqu'à présent, il n'y a plus de soupçons entre Bahutu et Batutsi. La cohabitation est bonne. Nous fréquentons les mêmes bistrots. Nul ne se plaint contre l'autre sur base ethnique. Nous buvons le vin de banane même la nuit et nous rentrons ensemble. Il n'y a pas de problème. Rien de mauvais en commune Butezi. Nous nous entraidons si quelqu'un est en difficulté. Ces derniers jours, il y en a qui se sont exilés suite aux rumeurs du moment. Mais les Bahutu comme les Batutsi, ils s'exilaient tous. Georgine Mbonima, administrateur de la commune Butezi, confirme cette bonne cohabitation. Également, elle précise qu'il n'y a jamais eu de conflit foncier entre les résidents et les déplacés grâce à la sensibilisation faite par l'administration. Ils cohabitent bien, que ce soit ceux qui ont regagné leur propriété, de même que ceux qui ont préféré acheter des parcelles auprès des propriétaires des terres où était érigé le site de déplacés. Ils cohabitent en sécurité totale, il n'y a pas la moindre grogne. Après le rapatriement des exilés en Tanzanie, comme l'administration avait déjà sensibilisé les déplacés à quitter les propriétés foncières des rapatriés, cela a été facile, surtout qu'ils partaient déjà cultiver leur propre terre chez eux et revenir au site pour y passer la nuit uniquement. Néanmoins, les résidants à l'ancien site des déplacés de même que les Bahutu des environs qui se sont exprimés demandent à ceux qui dirigent de mettre toujours en avant l'intérêt de tous les Burundis en évitant tout ce qui peut pousser certains Burundais à s'exiler. Jean-Claude Nshimirimana, Butezi, Radio Isanganiro. Merci bien à Claude Chimilimana et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi, mais dans quelques instants, c'est la revue de la presse. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez. Arusha 2017 ne nous réserve aucune surprise. Arusha ne donnera rien. L'hebdomadaire Iwachu revient ici sur le quatrième sommet de dialogue qui vient de se clôturer en terre tanzanienne sans aucun accord. Il parle de l'échec que tout le monde attendait. Effectivement, écrit-il, l'accord n'a pas eu lieu comme l'avait souhaité le facilitateur Benjamin Mkapa au début de la session. Signature d'un accord global de paix le 8 décembre en présence des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est. C'était trop beau pour être vrai, soutient le journal. Pour sa part, la communauté de blogueurs Yaga écrit qu'il ne faut pas se laisser distraire par Arusha. Nous connaissons tous les vrais protagonistes de ce match final qui se joue à Arusha. Qu'ils se rendent à Arusha ou non, qu'ils se fassent représenter ou pas, qu'ils jouent la politique de la chaise vide ou pas, nous connaissons les forces et les faiblesses de chacun d'eux. D'un côté, il y a une équipe composée par cette opposition radicale, désagrégée et à l'agonie, et ses acolytes de la société civile. Cette équipe dite malheureuse est, selon le billet, noyée dans une infinité de partis politiques qui, pour la plupart, n'existent que de noms et une pluie d'organisations de la société civile dont le bruit reste inaudible et sans effet. De notre côté, il y a une équipe composée du gouvernement, du parti au pouvoir et ses alliés, une équipe, on ne peut plus souder, tactiquement habile, une équipe qui a gagné presque la totalité des matchs qu'elle a livrés à domicile ou à l'étranger. Une équipe qui, fière d'avoir déjà remporté la coupe avant la fin de saison, attend de pied ferme la saison de 2020. Et le biais d'écrire dans son titre « Arusha » pour y faire quoi au juste ? Ce que vous faites pour moi, sans moi et contre moi. Le journal La Voix de l'Enseignant revient sur le dicton de Mahatma Gandhi pour s'insurger contre la non-représentation des enseignants dans les états généraux de la Mutuelle de la Fonction Publique les 7 et 8 décembre dernier. Il y renseigne que les enseignants constituent 77% des affiliés de la Mutuelle de la Fonction Publique et contribuent à hauteur de 80% des cotisations de la Mutuelle. Le journal estime que l'on a ignoré la part belle des affiliés les plus nombreux. L'objectif principal de ces assises était, selon la Voix de l'Enseignant, de relever les défis et dégager les stratégies afin de rendre la Mutuelle de la Fonction Publique plus efficace. En éducation encore, le journal Iwachu parle de vacances écourtées dans l'enseignement primaire et secondaire. Le ministère de l'Éducation nationale a récemment pris la décision de diminuer de moitié les périodes de vacances. Celles des premiers et deuxième trimestres vont passer de 2 semaines à 1 et les grandes vacances passent de 2 mois à 1, selon toujours Iwachu. Le salaire minimum au Burundi, une référence qui ne réjouit plus les concernés selon le magazine Burundi Echo. Il revient sur les déclarations du vice-président de la Confédération des syndicats du Burundi, Kosibu en sigle. Le SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti, en dessous duquel un travailleur ne peut être engagé ni employé, tel que déterminé par l'ordonnance ministérielle de 1988, n'est qu'une référence. Monsieur Nsavzimana a informé que le salaire minimum du plus petit agent de la fonction publique est calculé sur base journalière à fonction de 160 francs burundais par jour dans les centres urbains de Bujumbura et Gitega, soit 4800 francs par mois, et 105 francs bou dans les milieux ruraux, soit 3150 par mois. Il trouve anachronique que 30 ans après la fixation du SMIG, celui-ci ne reflète pas les réalités économiques. Les différents acteurs sont appelés à s'impliquer dans la lutte contre la corruption. L'agence burundaise de presse revient sur un atelier qui a été organisé le 6 décembre à Gitega par le ministère de la Présidence chargé de la bonne gouvernance à l'endroit de personnel de la magistrature, de la police et des administratifs communaux de cette province du centre du Burundi. Parmi les pratiques de corruption constatées figurent notamment des frais de déplacement, communément appelés indeluso, exigés par quelques magistrats et greffiers lors des descentes d'exécution des jugements, des pots de vin appelés agatutu kawagabo, exigés par quelques notables, ainsi que des rançons demandées lors des dossiers civils. Ainsi s'achève cette revue de presse qui vous a été présentée par Léon Sebitaliho et Alidan Daikeza. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. À la prochaine. Revue de la presse.